la chronique consommation avec Joël Constanza. Joël, qui est responsable de communication à l'association UFC Que Choisir 37. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, force est de constater, Joël, que les tentatives d'arnaque par mail continuent, voire même s'amplifient. Tous ces mails sont des tentatives de phishing. Donc, un petit rappel, le phishing, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour rappel, hein, le phishing, ou hameçonnage en français, hein, c'est un courriel frauduleux, souvent d'un organisme que vous connaissez, hein, comme les impôts, la caisse d'allocation familiale, etc. Hein. Et l'objectif de ce courriel, eh bien, c'est d'obtenir des données personnelles, le plus souvent vos données bancaires. Oui. Alors, le courriel vous invite à confirmer vos données ou à les mettre à jour en cliquant sur un lien qui aboutit en fait sur un autre site internet, celui des escrocs. Alors, dans certains cas, ces courriels vous apprennent que vous êtes l'heureux gagnant d'un lot, gratuit bien entendu. Hein. Seuls les frais de port sont à votre charge. Et encore une fois, on vous demandera de cliquer sur un lien et d'entrer vos coordonnées bancaires. Et le tour est joué. Alors, quelles précautions il faut prendre absolument ? Ah oui, alors quelques précautions simples mais efficaces. Hein. Tout d'abord, vérifiez l'adresse de l'expéditeur en passant votre pointeur de souris sur le nom de l'expéditeur du message pour voir son adresse email complète. Oui, et des là, fois c'est farfelu. Hein. Voilà, vous aurez des surprises. Traquez les éventuelles fautes de grammaire et d'orthographe, mais malheureusement, la plupart des courriels frauduleux sont actuellement très bien faits. Ne pas se fier aux logos officiels, qui sont très faciles à reproduire. Ne pas cliquer sur les liens. Et dans le cas de gains, de super gros lots, bah mieux vaut arrêter de croire au Père Noël, hein, parce que la seule chose que vous allez gagner en cliquant seront de gros ennuis futurs. Hein. Et vous avez des exemples ? Eh bien oui, parce que tout à fait, il m'a suffi pour cela eh bien, d'ouvrir ma propre boîte mail. Mm-hmm. Par exemple, lundi de la semaine dernière, un site officiel m'écrit que dans, je cite, le cadre du plan national de sécurité routière 2025, le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation met à la disposition de chaque conducteur un kit d'urgence voiture. On peut facilement se laisser tenter, bien au piège. Sûr. Il me faut juste cliquer sur le lien pour donner mes coordonnées afin de recevoir ce kit. Mais attention, je cite, cette offre est limitée et expire aujourd'hui. Ouais, donc, déjà. Alors, voilà. Dans ce message, pas de faute, mais cette petite phrase hein, qui est un indice négatif parce qu'elle crée de fait un sentiment d'urgence et peut inciter le malheureux consommateur que je suis à cliquer très vite sans prendre le temps de réfléchir afin de ne pas perdre cette superbe occasion. Mais il y a quand même un logo officiel gouvernemental. Oui, un logo officiel. Mais en passant le pointeur de la souris sur l'adresse de l'expéditeur, cette adresse se révèle être avec un code pays, vous savez, à la fin, .de, c'est-à-dire, a priori, l'Allemagne. Donc, assez improbable pour un site gouvernemental français. Alors, surtout, ne pas cliquer. Et on continue mardi ? Alors, mardi, je reçois un courriel, un avis de contravention pour une infraction de stationnement non conforme avec une amende de 35 euros à payer en ligne ou en scannant un QR code. Vous vous garez pas bien, Joël. Non, pas très bien. Alors, tout d'abord, ne jamais scanner ces QR codes, car il n'y a jamais de QR code sur une véritable contravention. Alors, tout cela n'a qu'un seul objectif, vous renvoyer vers un faux site et vous subtirez, encore une fois, vos informations. Et alors, si on reçoit un tel mail ? Alors, si vous recevez un tel mail, vérifiez bien l'adresse de l'expéditeur, hein, qui doit être en taille.fr, etc. Nous vous recommandons, en cas de doute, de ne pas donner suite, puisque la contravention, s'il y a une vraie contravention, elle ne se trouve pas dans le corps de ce mail. Et qu'en cas de non-réponse, de toute façon, la contravention est envoyée automatiquement par voie postale dans un délai de 7 jours. De plus, il est possible aussi de vérifier l'authenticité de cette contravention hein, reçue en allant sur le site officiel de l'Antagne, hein, .gouv.fr, je rappelle, en renseignant le numéro d'avis de la dite contravention. Alors, c'est pas tout, puisque mercredi, c'est un courriel de CTLM qui est arrivé. Ah oui, j'en ai tous les jours. Hein. Alors, mercredi, un courriel de CTLM, vous savez, le célèbre organisme de crédit à la consommation et son petit bonhomme vert, hein, qui me demande de finaliser mon dossier. Alors déjà, quel dossier, je ne sais pas. Et afin de vérifier mon identité, de lui envoyer copie de ma pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. Bah voyons, plus c'est gros et plus cela risque de passer, me direz-vous. Mais quiconque fournirait copie de sa pièce d'identité se verrait immanquablement victime dans les jours, dans les semaines suivantes, eh bien, d'une usurpation d'identité. Et Pour rappel, dans le cas d'une usurpation d'identité, que peut faire l'usurpateur ? Eh bien, c'est assez grave, hein, parce qu'il peut utiliser le nom et les données personnelles de la victime, vous, pour, par exemple, ouvrir un compte et utiliser la carte de crédit ou le chéquier pour faire ses achats. Hein. Il peut souscrire un crédit au nom de la victime et ne pas le rembourser. Il peut bénéficier d'aide sociale auprès de la Sécurité sociale ou de la COF. Il peut commettre une infraction, par exemple chantage, cyberharcèlement, etc., sous l'identité de la victime. Hein. Ouais, carrément des aides sociales, ça je ne l'aurais pas imaginé. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas d'usurpation d'identité ? Eh bien, en cas d'usurpation d'identité avérée, hein, la victime peut déposer une main courante ou porter plainte. Elle doit ensuite prévenir les organismes financiers, la banque, éventuellement les administrations, justement, on l'a dit, la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale, les caisses d'impôts, les caisses de retraite, les impôts. Mais inutile de dire que c'est un peu le parcours du combattant qui commence, hein, pour lui. C'est clair. Alors, jeudi, ça continue ou pas ? Oui, bien sûr, tous les jours. Jeudi, je reçois un courriel de France Travail qui, dans le cadre d'un nouveau programme de soutien, me propose une aide financière exceptionnelle pouvant atteindre 360 euros et qui me dit que ma situation pourrait correspondre aux critères d'éligibilité. Oh, bah alors là, on clique. Comme souvent, la petite phrase est là pour appuyer sur le caractère pressant de la réponse. Ouais. Certaines zones géographiques ont un nombre limité de bénéficiaires. Alors, comprenez bien entendu que si vous ne répondez pas assez vite, eh bien, vous allez passer à côté d'une très bonne affaire. Mais Le paragraphe suivant annonce enfin la couleur. Une vérification d'identité par carte bancaire est requise. Voilà, le piège est bien monté. 2 euros pour la vérification d'identité et des fois que vous seriez un peu soupçonneux, ce courriel vous indique que tout ceci se fera, je cite, conformément aux normes de sécurité 3D Secure, des fois. Alors, non seulement si vous répondez à ce courriel, votre compte sera débité de 2 euros, ce n'est pas très grave en soi, me direz-vous, mais les escrocs seront surtout en possession de vos coordonnées bancaires qu'ils pourront ensuite soit utiliser dans une arnaque au faux conseiller bancaire, soit pire, revendre sur le dark web. Et voilà, le tour est joué. Vous venez de vous faire avoir. Et toujours vérifier l'adresse de l'expéditeur ? Oui, parce que en passant la molette de la souris sur l'adresse de l'expéditeur, eh bien, on obtient une adresse avec un code, encore une fois, .de, qui, je le rappelle, c'est le code de l'Allemagne, bien loin des adresses en .gouv.fr de toutes nos administrations. Donc, faire bien attention. Eh bien, merci pour ces conseils éclairés chaque semaine avec Joël Constanza, qui est chargé de communication UFC Que Choisir 37. Merci beaucoup pour tous ces conseils et à la semaine prochaine, Joël. À la semaine prochaine, on continuera la semaine. Très bien.